Selon le journal d'internet sud-coréen Quotidien de l'Homme, Park Hae-jeon, co-délégué du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, a souligné dans un séminaire international pour la paix et la réunification tenu le 17 courant à Séoul d'appliquer parfaitement la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre.